De ton trône ce soir encore une fois pour te remercier abondamment pour cette occasion nouvelle que tu nous donnes et nous n'avons pas eu depuis le matin de nous rassembler en ce jour nouveau au nom tout puissant de Jésus-Christ et que d'un seul cœur nous puissions invoquer ton nom. Adorer ton nom, servir ton nom, écouter ton nom, ressembler à ton nom, invoquer Jésus-Christ, croire en ce nom, recevoir de lui des réponses, des guérisons et des solutions. Que ce nom soit exalté, béni dans tout l'univers, par tout ce qui t'aime et tout ce que tu as créé. Répands tes grâces sur nous, Seigneur. Et agrée les méditations de nos cœurs. Nous avons besoin de ta grâce. Plus que de tout ce que les hommes peuvent nous donner. Ta grâce est notre richesse. Et c'est par ta grâce que tu donnes révélation à qui tu veux. Car la révélation divine est souveraine. Et Dieu la donne à qui il veut. Il la prive aussi à qu'il veut. Révèle-toi, Seigneur, alors que nous nous abaissons, que nous nous effaçons, que nous nous humilions, nous nous sentons indignes de quoi que ce soit. Mais nous appelons Jésus sur la scène pour qu'il bénisse la réunion de ce soir, qu'il chasse les ténèbres, qu'il chasse l'incrédulité, qu'il chasse les maladies, qu'il chasse les pensées négatives, qu'il chasse la lourdeur parmi nous, qu'il mette le réveil de l'heure, la foi de l'heure dans nos cœurs, pour agir comme Dieu veut que nous agissions. Pardonne-nous nos péchés, amen. Dans le sang de Jésus-Christ, et relève chacun de nous, Seigneur, pour nous examiner soi-même, rentrer en soi-même, et produire de meilleurs fruits. Que ta parole agisse dans nos cœurs, dans toute l'église, quand tu béniras les autres ailleurs, souviens-toi des pauvres de Kinshasa, les misérables rassemblés à cet endroit négligeable, pour répandre tes bénédictions sur nous. Bénis le prédicateur de ce soir. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, mets l'homme de côté, Seigneur, et que l'Esprit de vérité agisse à travers les vases. C'est pour la gloire du Seigneur que nous invoquons ton nom, que nous prions ici, du début jusqu'à la fin. Conduis la scène, conduis tout au-dedans de nous, et donne gloire à ton Seigneur dans les cieux des cieux et sur la terre partout. Sous les sangs de l'agneau immolé, Jésus-Christ de Nazareth, nous offrons cette supplication. Amen. Amen. Nous allons à présent écouter la prédication de l'Évangile, espérant que chaque âme est prête. Ayant chanté, ayant prié, ayant médité et tout pour la gloire du Seigneur. Nous invitons ici à la chaire le révérend pasteur Gauthier Voubou pour la prédication de l'Évangile de Dieu. Bon appétit à chacun de vous. Sœurs qui étaient présents, je crois que chacun avait ressenti l'impact l'acte de la salutation. Alors maintenant ce soir nous allons nous entretenir. Ok, levons-nous pour la lecture de la parole. Honorer, parce que nous devons toujours honorer la lecture de la parole de Dieu. Je lis dans Genèse chapitre 3. Le verset 15. Et j'ajouterai aussi le verset 20. Et le reste nous lirons pendant que nous évoluons. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera. Tu lui blesseras le talon. Na kotiampe le kunya katina yompe moisi. Katina libota na yompe libota na ye. Yempe akotuta moto na yo pe okoswa litindi na ye. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Mobali atangaki kombo na mwasi na ye Ewa, zambi ye ajalaki mama na bango yonso na bomoi. Amen. Prions le Seigneur. Bonde la kolo. Zambi tata tuzang seli susu matondi, pona poko alelo, biso tutemi buso na yo, bara no mibali basi, tuzako zelabe tata yomoko oleisa miela na biso. Kamatanga kwa esalo lo pamba na loboko na yo. Loko ya kilelo yomoko yula kati. Pote kilelo pe sa un son distin. Pelibota eba kubongama. Pona etumba we makasi tuzana ango. Oye komi penza pene na suka nkolo. Tokuma ndenge munguna. Telemi penza. Kastondemi ke. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Notre Seigneur Jésus. Merci, Nkolo. Bakisali pamboli na yo na makomi ototangi, pe pambola lubayo kosa kolama, uta ibandilise suka na kombo na Nkolo, pe obitsi Yesu Kristo na sengi boye. Amen. Je vous asseoir, bien merci. Boko vanda. Ok. Et je fais aussi confiance à la prière du pasteur. Allez, côté la prière, mon thème, on a le bon délai à mon bateli. Oui, parce que j'étais dans la maison, mais je suivais la prière. Allez, qui est courant en tant que calendrier, courant dans le bon délai. Je crois que le Seigneur va nous parler dans la simplicité. Dieu se cache dans la simplicité. Et il se révèle de la même manière. Si quelqu'un est dans la hauteur, alors il manquera ce que Dieu. Alors nous devons nous humilier comme des enfants qui veulent apprendre du Père. Okay, parce qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Donc, mercredi, j'ai introduit mon sujet. L'importance de la révélation. Mon exhortation, c'est pour que chacun de nous essaye de saisir combien la révélation est importante pour la vie du croyant. Le livre... c'est la révélation de Jésus-Christ. Beaucoup ezali emoniseli ya Yesu Kristo. Apocalypse. Emoni mokanana emoniseli. La révélation de Jésus-Christ. Ezali emoniseli ya Yesu Kristo. La révélation de Jean. Ezali emoniseli ya Yohane te. Révélation de Jésus-Christ. Ezali emoniseli ya Yesu Kristo. Mais Jean c'est l'écrivain. Yohane yazali mobele mokomi. L'apôtre Jean, celui qui a écrit. Thomas Yohane ye azali ye mokomi. Alors, dans mon introduction, na libandisi na ngai, j'ai dit que Satan hey, le plus deux livres de la Bible. Maloba qui était Satan a une mingi babuku mibale ya Biblia. Genèse. Et allez beaucoup ya Genèse. Parce que là dans Genèse c'est là où il est révélé comment il a introduit sa semence ici sur la terre. On a Genèse c'est allez ça mi boni boni akota ki mboto na awana mabele. Alors il essaie d'insinuer le doute dans le cœur des gens. Allez comme ça kotia tembe kati na mitema ya bato. pour qu'ils ne voient pas l'authenticité de ce livre de la Genèse. Ils lisent ça. Ils n'arrivent pas à saisir la pensée de Dieu qui est dedans. Mais nous croyons que Dieu nous a visités. En ce dernier jour, oui, oui, d'une manière puissante, en utilisant un prophète puissant. Un prophète puissant. À qui il a révélé les mystères de sa foi. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas lire dans les brochures. Peut-être que nous ne l'écouterons pas sur les bandes. Mais peut-être que ce sont des choses seulement que ceux qui avaient vécu avec Frère Branham ont vécu. Beaucoup de choses. C'est vrai. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Molimo Mosanto. C'est lui le grand enseignant. Ezalie Molaki Simonene. C'est lui le tuteur de l'Église. Ezalie Nde Mokolo Ecclesia. Tous nous lui faisons confiance. Nous sommes tous les côtés là et vous voulez monter. Voilà pourquoi les prédicateurs qui viennent en chair. Salawana Mouti Azali Koya Wanetielo. Doit avoir le Saint-Esprit. Ezalie Azala Molimo Mosanto. On ne donne que ce qu'on a. Bafé Saka Bobele Oyo. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il va enseigner sur la nouvelle naissance. Qu'est-ce que vous recevrez? Lui-même n'est pas né de nouveau. Et il enseigne sur la nouvelle naissance. Ah non. Ah non. Le prédicateur lui-même n'a pas le Saint-Esprit. Il va enseigner sur le Saint-Esprit. Qu'est-ce que les gens vont recevoir? Vous voyez, dans ce message ici, les prédicateurs ont semé du désordre. Les prédicateurs ont semé du désordre dans ce message. Et cela a amené certains à devenir aussi extrémistes. Ils ne veulent plus écouter les prédicateurs. Seulement les bandes. Écoute des bandes. Je suis surpris. Tout récemment, dans une église quelque part, dans le Bas-Fleuve là-bas, un mariage, la prédication, on met une bande de Frère Branham. Et puis après avoir écouté la bande, que chacun prie. Compris, c'est fini. On appelle les deux mariés devant. On met la bande de la cérémonie du mariage célébrée par Frère Branham. Et là où Frère Branham dit maintenant que les deux conjoints doivent se changer les bagues. Alors là, ils se changent les bagues. Et là-bas, la bande continue. Et même la prière, du prophète. Et puis le pasteur a la fait dit, Amen, Amen. Ils disent quoi? Les prédicateurs. On se met du désordre. Dans le message. C'est pourquoi nous ne voulons plus écouter les prédicateurs. Seulement les bandes du prophète. Mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que Dieu a échoué dans l'âge de la Odyssée? Zambi, a-t-il beaucoup de samanaïs pour la Odyssée? Donc il n'y a plus de ministère. Et Zalina l'automo. Dans l'âge de la Odyssée seulement. Ah ouais, pour la Odyssée, ah ouais. Moi, je ne crois pas ça. Bien que les prédicateurs ont semé du désordre, mais Dieu a une minorité. Dieu a des serviteurs qui ont réellement un ministère divin. Et qui sont là pour apporter la parole pour l'édification. Toutes les choses là qui peuvent arriver là-bas ne feront pas peur aux élus. Ah. Ce sont des épouvantails. Mais les élus n'auront pas peur de ça. Nous avons le message. Et le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Faisons confiance à Dieu. Croyons Dieu. Satan est le livre de la Genèse. Parce que c'est là où il est révélé comment il a introduit sa semence. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi. Donc il s'adressait au serpent. Parce que verset 14, il est dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, Bongo ya wenzambe alobaki na nyoka ete. Et voilà maintenant la suite. Verset 15. La mulonga azomi na mita. Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc, ta semence. Mon boto na yo. Et sa semence. Na mon boto oyaye. Donc, je mettrai inimitié entre ta semence. Kati na mon boto na yo. Et la semence de la femme. Et mon boto ya moisi. Celle-ci. Donc la semence de la femme. Mon boto ya moisi. T'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Na kotia pe likunya kati na yo pe moisi kati na libota na yo pe libota na ye. Pe akotuta moto na yo. Celle-ci t'écrasera la tête. Et akotuta moto na yo. Et tu lui blesseras le talon. Pe okoswa litindi na ye. Et cela a eu lieu ce jour-là sur le calvaire. Wana esalamaki mokolo wana kuna na kulusu. Oui, le talon. Na litindi. Le Seigneur a écrasé la tête du serpent. Kolo asile koniata moto na nyoka. Mais le serpent a procédé quand même aussi. Ah, bon, t'as qu'on a conçu et. Mais sa tête a été totalement écrasée. Kasi moto na ye. Il n'y a pas ma tête, même si tu peux pas bouger la tête, comment la tête a déjà été moto na ye esilaki koniatama. Ce jour-là sur le mokolo wana kuna na ekulusu. Frère Branham dit, c'est le jour le plus important de la race humaine. Ezali mokolo ya tina mingi pona bato awa na mokolo. C'est le jour où la question du péché a été réglée. Ezali mokolo likamo na lisumu ezaki ya numara moko pe pona libela. Mala moko pe pona libela. Le Seigneur ne reviendra plus. Polo a kozonga lisusu ke. C'est fini. Voilà pourquoi il a dit tout est accompli. Nyoso ekokisami. Tout a été accompli. Nyoso esile kokokisama. Pour notre salut. Pona lobi kona biso. Pour notre délivrance. Pona amen. Pona kokango la mana biso. Nous pouvons nous reposer. Soki toko kopema. Sur l'œuvre accomplie à Golgotha. Obele na mosala ekokisama ikuna na Golgotha. Mbala moko pe pona libela. Avec révélation bien sûr. Na emoni feli. Parce que sans révélation. Kozanga emoni feli. Oui, on parlera de Christ. Donc le vélo à Christ. On parlera du calvaire. Donc le vélo à Écoulousso. Mais c'est pas moi. Il faut la révélation. Et Sengeli et Moniteli. Il faut la révélation. Et Sengeli et Moniteli. Voilà. Donc le serpent avait déjà introduit sa cellule. Nous passons à côté de mon bouton. Voilà pourquoi Dieu dit. Ça l'a pour un grand mal de vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Entre ta semence et la semence de la femme. Ça c'est mon bouton. Après mon bouton à moi aussi. Et la semence de la femme. Mon bouton à moi aussi. Qui est Christ. Vous allez Christ. Écrasera ta tête. À côté tout ta moto na yo. Yo que soit l'itindi na yé. Donc nous savons pourquoi Dieu a dit. Tu es pour nani les ambassés pour le papa. Et au verset 20. Namo longwa tu. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Mobali appelle attendre comme moi si na Ewa. Car elle était la mère de tous les vieux. Lambia jalaki maman na bango yonso na bon moyen. Ève signifie mère de tous les vivants. Ewa linkoloba maman na batunyo sona bon moyen. Les deux semences. Ba miboto mi balé. Sont venus par elle. Ba ye bobele na zela na ye. Le corps de la femme. D'autres à moi aussi. Est un champ d'ensemencement pour la vie. Les allées élanga pour na kozo miboto pour na bon moyen. Le corps de la femme. Zoto ya moisi. C'est un champ d'ensemencement. Il allait elanga o ya mimboto. Pour la vie. On a bon moyen. Voilà pourquoi la jeune fille qui est vierge. Moisi azali ngondo. Et qui a la révélation. Azali moni feli. Doit garder jalousement sa virginité. Ako batela bongondo na ye. Pour l'homme qui l'épouse. On a mobali wa kobala ye. Mais pour ceux qui l'avaient déjà perdu. Awasi ko bungisa yango. Bon, nous savons ce que la parole dit. Toye binini lobi lobi. Mais j'ai préféré parler de vierge. Na ligne mingi ko lobela baba za bangondo. Parce que l'épouse de Christ est une vierge de la parole. Oui, moi si na libala ya Christ azali ngondo ya liloba. L'épouse de Christ. Moi si na libala ya Christ. Est une vierge de la parole. Azali ngondo ya liloba. Elle n'accepte pas n'importe quoi. Andi makate so kinini. Les histoires qui viennent là-bas. Matamu del gouta kuna, moi moke kuna. Et uniquement la parole. Bobele liloba. Donc Ève, la femme d'Adam. Et wa moi si na Adama. Les deux semences sont venues par. Mbotomi balé et yé na zela na yé. Le serpent a semé sa semence là. Nyoka ataki mboto na yekuna. Et Adam s'est venu déposer ça. Adama kayaki kotia mboto na yekuna. Les deux semences. Mbotomi balé. Parce que là c'était le commencement. Wa nzalaki na ebandeli. Et après maintenant ça s'est répandu. Na sima ya mwesili ko sopana pe ko panzana. Kino mokolo ya lelo. Lokola tozali awa na mabele ya bato. Tozali na mimboto mibale. Moko na moko efengela mitala. De quel côté se trouve? Azali na ngambo nini? Mais je crois le message. Azali nazali kondima sango. A dit. Malembe. Judas croyait le message, non? Yuda pe avene kondima sango. Jésus-Christ était la parole promise de son jugement. Judas a cru. Judas a cru le message. Et même dans l'assemblée, il avait administrateur ou trésorier pour la prédication. Apôtre. L'appel le plus élevé qui soit. Mbela ou il est kolomingi. Un missionnaire. Missionnaire. Uniquement pour apporter la parole. Donc Judas. Mais le Seigneur dit, c'est moi que j'ai choisi vous tous. Mais l'un de vous est un démon. Oui, le problème, ce n'est pas seulement se contenter que non, j'écris le message. C'est bon. Il faut avancer. Parce que Judas. Justification. Sanctifié. Quand vous regardez un homme qui vit la parole, parce que quelqu'un qui est sanctifié, il est pur. Parce que le mot sanctifié signifie que quelque chose qui a été lavé, nettoyé, c'est devenu propre, on l'a mis à part pour les services. Les habitudes du monde ne sont pas. Quand on les regarde, nous avons un chrétien incroyant. Mais intérieurement, ça clochait encore. Alors, nous devons faire attention. Parce que Dieu connaît le cœur de tous. Et c'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous est un démon. Mais pourquoi tu choisis un démon? Est-ce que tu vas poser des questions à Dieu comme ça? Dieu est souverain. Dieu a dit dans sa prière, je suis là. Dieu est souverain. La révélation est souveraine en Dieu. Il n'y a que lui qui donne la révélation. Le pasteur ne vous donnera pas la révélation. Aucun prédicateur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète, personne ne vous donnera la révélation. C'est Dieu seul qui donne la révélation. Il la donne à qui il veut. Il la refuse à qui il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Qui va lui poser la question? Monsieur Dieu, pourquoi tu n'as pas la révélation à celui-là? Personne. Mais pour que Dieu vous donne la révélation, vous devez d'abord avoir trouvé grâce devant lui. Si vous avez trouvé grâce, alors il est révélé. Voilà pourquoi chacun de nous, en tant que croyant, vous devez toujours examiner. Dans quelle mesure Dieu me révèle-t-il sa parole? Que Dieu traite avec ses enfants par la révélation. Satan connaît l'écriture. La Bible. L'écriture. Après, on dit. C'est comme on a l'objet été. Mais ils connaissent l'écriture plus que vous et moi. Ayebi ma premier collègue Kapoutou Yonangaï. Oui. Parce que nous ici, Awa, qui a déjà lu tous les versets de la Bible. Du premier verset de Genèse, chapitre 1er. Du chapitre 22 d'Apocalypse. Toute la Bible. Je ne sais pas si il y a des gens comme ça dans le monde, mais moi je n'ai pas encore lu ça. Mais Satan connaît les écritures. Mais ce qui lui manque, c'est la révélation. Alors comme on dit, comme Dieu donne la révélation à ses enfants, c'est ce qui leur donne la victoire sur le diable. Donc c'est la révélation de la parole qui nous donne la victoire sur Satan. Il faut la révélation. Il faut la révélation. Il faut la révélation. Genèse 4. Genèse 4. Adam connut Ève sa femme. Adam a eu qui est moi sinon il conçut. Il y a Zoaki, Demi, et il dit, je formais un homme avec l'aide de l'Éternel. Et l'enfanta encore son frère Abel. Il n'est pas dit que Adam connut encore sa femme. Et l'enfanta Abel. Et l'enfanta encore. Balobi abotaki l'avoir enfanté Kaya. Nasima kobota Kaina. Et l'enfanté encore Abel. Abotaki lisusu Abele. Allons-y, chers frères et sœurs. Entendez, bande koba. Avec la pensée purement humaine. Na likaniswa moto. En lisant ceci. Botanga kaboe. Adam connut Eve sa femme. Adama a yebati mwasi na Ewa. Elle conçut. Ya zwakizeni. Et enfanta Kaya. C'est abotaki Kaina. Avec la pensée humaine. Na likaniswa moto. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Koloba nini? Kaya était fils d'Adam. Kaina azalaki mwana na Adama. Hein? Est-ce que vous suivez? Quand j'ai dit, vous allez parler de la femme. Vous allez voir la femme. Adam connut Eve sa femme. Adam a oui baki mwasina Ewa. Elle conçut et enfanta Kaina. C'est azo qui veut lui abotaki Kaina. Humainement parlant. Na bomoto koloba le long. C'est purement charnel de na likaniti oya moto penza. Kotanga ka oyo komamia wa. On dira donc que Caïn était fils d'Adam. Donc on va être Caïn à Zala qui mourra à Adam. Alors que c'est pas le cas. Ouana Zali Bongote. Oui. Donc la connaissance, l'ivresse de la parole. Boyebi Oyo ya liloba ya lengwana. Donc ça y a ma comique à boycotter la boycotte, ça y est comme ça. Eh bien, ça peut vous éloigner loin de la vérité. Et Koki Kotangi sa moussika na solo. Ça peut vous éloigner loin de la vérité. Koko mi ma moussika na solo. Parce que en réalité. Na solo. Ce n'est pas que Adam a connu Eve. Et Zalite Adam a ébaki Ewa, Ewa Mosina. Et par là, c'est là que Adam a connu Eve, donc Eve a conçu et elle a enfanté Caïn. Penanzela ya, Nikambouana, Adam a ébaki Ewa, Pe, Ewa Mosi Caïna. Bongote. Non. Bongote. Quand Adam a connu Eve. Tango Adam a ébaki Mosina Ewa. Le serpent avait déjà déposé sa semence. Nyoka, Asilaiko, Tia Momboto na Ekuna. Est-ce que vous suivez ça? Quand Adam est venu connaître Eve, Adam Eve avait déjà eu une relation avec le serpent. Ewa, asile ko kuto na nyoka. Le serpent avait déjà introduit sa semence dans nyoka, Eve. Achaki mumboto na ekati na Ewa. Un ovule dans Eve était fécondé. Liki moko na kati na Ewa ekumbaki ze. Parce que la Bible dit. Bible le dit. La femme après avoir mangé. Moi aussi, la semaine écolia. Elle a amené aussi à son mari qui est de près. Amena qui peine la mobali naïe. Quand Adam connaît Eve. Tango Adama ayebi moi aussi naïe. Il a conçu. Yé a kumbaki. Mais un autre ovule a été secondé dans. Liki mon soussou et zaki le jam. Et zaki mon moto ya. Deux ovules différemment fécondés. Maki mi balé. Parce que le semence est différent. Maki mi balé et s'il kozama mon moto na. Batumi bali c'est que Caïn et Abel étaient des jumeaux, mais des faux jumeaux d'après la science. Caïn et Abel bazalaki mapasa kati mapasa oya solote. La Bible parle seulement d'Adam. Bible zali ko babeli na Adama. Pourquoi? Pona nini? Parce que la relation que Eve avait eue avec le serpent était une relation clandestine. Oui, que pour kuta na oyo Eva zaki na nyoka ko kuta na moko ya solote ya mabepe nza ya kopatama. Quand Adam connaît sa femme. Tango Adama ebi mwasi na ye. Il avait déjà une autre semence. Azalaki na mumboto kati na ye, mumboto mosusu. Voilà pourquoi après que Adam le connu. Nasima Adama sir ko yeba ye. Et l'enfant d'abord Caïn. Abotaki liboso Kaina. Et l'enfanta encore Abel. Aboti lisusu na sima. Il n'est pas dit que Adam connu encore sa femme. Balobaki te liswete Adam ayebaki mwasi bomote. Ils sont nés comme des, donc ils sont nés des jumeaux. Babotamaki mapasa. Mais deux semences différentes. Mimboto mibale keseni. Chers frères et sœurs. Cette vérité biblique solo oyo ya Biblia a été révélée en ces temps du soir. Et moni samaki na tango na pokwa oyo. La semence du serpent. Momboto na nyoka. Il y a des fils et des filles du serpent. Je na bana babali pe ya basi ya nyoka. Dans toutes les races qui soient. Na lolenge nyoso ya bato bisika biso. Les blancs, les rouges, les noirs. Bato fembe, moindo, motane. Les juifs, les bayuda, les gens. Ba samalia na oso bato na mabota. Deux semences. Donc les deux semences se retrouvent pas. Mimboto wana ezali bisika biso. Et cette vérité. Et solo oyo. Il est là. Ezali bobele wana. Nous vivons cette réalité. Ezali kobika kati na. Voilà pourquoi nous devons être sur nos gardes. Et sengeli tozala na bokebi. Satan est le livre de l'Apocalypse. Satan a dali kouina mokanda na emoni seli. Parce que là, on révèle quelle sera sa fin? On a besoin de comment il s'assoit quand il va finir où? À Kosuka wapi? Dans le temps ardent de feu et de soufre. On a na ebelo na moto. Ce qui sera la, ce qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 20. Et mon esseli mokapwa tuku mibale. Au verset 10. Olongazomi. Et le diable qui le séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Satan a mozimbisi na bango, abwakami na libeke na moto na sufulu, kuna ejali nyama na mosakoli na lokuta, bako nyokisama pasi butu na moi libela na libela. Ok, donc c'est que le diable, quand le diable est jeté dans le temps de feu, c'est que la bête et le prophète y étaient déjà. Wana nyamana mosakolia lokuta, basile kozala kuna na kaki. Au chapitre 19, na mulongo ya zomi na mwa, au verset 20 ici, il est dit ceci. Chapitre 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux, c'est-à-dire la bête et le faux prophète, ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Nyama tangami pe esika moko na ye mosakoli na lokuta. Oyo asalaki bilembo liboso na ye pe bongo ajimbisi bango na na bilembo likolo na ye pe bongo ajimbisi bango katami elembo na nyama pe ba sambeli ekeko na ye ba oyo mibale babwakisami bongo na bomoi kati na libeke na moto mokopela na sufulu. Donc c'est que quand le diable sera jeté dans les temps de feu, il y trouvera déjà la bête et le faux prophète. Alors, Satan connaissant ceci, que ceci est révélé dans l'Apocalypse. Il est dit que l'enfer a été préparé pour Satan et ses anges. Ces anges que nous appelons aujourd'hui les démons. Satan connaît ça pertinemment bien. Satan a bien que ce sera sa fin. Et lui et tous ses démons. Na pourquoi il travaille dur. Pour amener avec lui tout ce qu'il peut amener. Pour qu'ils aillent avec lui. Nous devons être sur nos gardes. Et c'est dans Bokebi. Dans le livre de l'Apocalypse. C'est le seul livre où il est parlé des sept tonnerres. Lisez dans toute votre Bible. La Bible la Bino, là où vous trouverez l'expression sept tonnerres. Parce qu'il y a des gens qui sont allergiques quand ils entendent le mot sept tonnerres. Pourquoi? Parce que les prédicateurs ont dit des histoires. Alors que le prophète de Dieu nous a parlé humblement, mais les prédicateurs, les sept tonnerres, est un sujet qui est dans le livre de la foi. Chapitre 10, verset 4. Si vous dites n'importe quoi au sujet de cette tonnerre, voyez ce qui a été dit. Si quelqu'un ajoute quelque chose aux paroles de la prophétie de Sidney, Dieu le frappera de plus. Il frappera par la tuile. À quoi les canadiens n'ont pas logé. Quelqu'un retranche quelque chose. Ceux qui montent à longo les locaux encore. Ça part sera retranché. Et tel n'aie que longo la main. De l'arbre de vie. N'entêtez n'a pas moi. Et de la ville. Qui n'a ingumba Monsanto. Je ne parle que de cette année. Vous allez colorer la bobelle et va casser sambo. C'est un sujet vital. Oui, tu allez cambo. Pinza ou abo moi. Le septième son. Non, le septième son est révélé. Le septième son. Monisama. Et ça les boyes. On entend beaucoup d'histoires. Vous allez coyoka dans ta momie. Le colonna. Alors que les sept choses sont dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse. Et si vous dites n'importe quoi sur le septième sceau, le dernier sceau du livre de la rédemption. Le dernier sceau. Le dernier sceau. La fin du mystère du plan de la rédemption. Vous dites n'importe quoi là-dessus, mon frère ou ma soeur, vous voyez que le riche de vous. Voilà pourquoi pour de tels sujets, nous devons vraiment suivre le prophète dans ce qu'il nous a enseigné et ne dire que ce que lui a dit. N'allez ni à gauche, ni à droite. Ne débordez pas. Je ne sais pas montrer aux gens que moi je connais ici ou pas. Nous ne sommes pas là pour impressionner les gens. Nous sommes là pour proclamer la parole. Selon la révélation qui a été donnée, pour que l'épouse se prépare tellement. Parce que bientôt ce sera le départ. Moi je crois que bientôt on va partir. Je ne sais pas si on est encore ici pour beaucoup de temps. Je crois de tout mon cœur. L'enseignement que Frère Branham a donné sur les sept âges de l'Église. Le premier grand enseignement qu'il a donné dans le livre de l'Apocalypse. Les sept âges de l'Église. Il a fouiné l'histoire, il a lu des livres d'histoire. Les pères prénicéens, beaucoup d'histoires. Il a fouiné. Il nous a donné à peu près, non, le premier âge est allé de telle année à telle année. Qui sont ceux-là qui... qui plonge un regard profond là-dessus, bah, on pour vérifier en fait ce qui s'est passé autour des âges. Tout au long des âges, pour voir où nous en sommes aujourd'hui. Et que nous puissions nous tenir ce droit. Et c'est tout à la lulenge, oh, et bongi. Mais je crois que par la grâce de Dieu, chacun connaît en qui il a cru. Et pourquoi il a cru l'évangile. Je continue. Abel fut berger. Donc je reprends encore dans Genèse 4. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Ah oui, mais parce que c'est le travail qu'il faisait. J'étais laboureur. Mais est-ce que c'est ce qu'il fallait? Et Abel, de son côté, en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. Fait abeléye, lokola aye isaki, banana liboso katina etonga na yempe, mafuta na yango lokola. Donc Abel, lui, a pris un des premiers nés. Yazwaki, moko ya banana yango katina etonga ya nyamana ye. Il a offert. Tu as fait ça qui fait dans Zambé. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Et son visage fut abattu. Et la suite, nous connaissons ce qui est arrivé. Il a tué son frère. Deux adorateurs. Là au commencement, Caïn était laboureur. Caïn azalaki moti molimabele. Abel était berger. Abel azalaki mobate lipate. Maintenant chacun d'eux devait donner. Moko na moko sengelaki apesa likabo. Naturellement, avec la pensée charnelle. Na makanisi ya nzoto boye. On dira, mais c'est tout à fait normal que Caïn, comme lui son travail c'était un laboureur, il ne devait que donner le fruit. Parce que c'est purement charnel. Zoto. Pensez purement charnel. Abel, oui, bon, comme lui était berger. Abel, il y a un Non, ce n'était pas ça. Et là, qui bon nous ne devons pas aborder la parole de Dieu avec une pensée purement charnelle. Il faut la révélation. Et c'est dans l'exposé de cet âge, l'église ici. À la page 13 ici. Donc je lis ici juste vers le bas ici. Page 13. Comment Abel a-t-il su ce qu'il devait faire pour offrir le sacrifice qu'il convenait d'offrir à Dieu? Comment? Il n'y avait pas de Bible écrite en ce moment. Il n'y avait pas de Bible écrite en ce moment. Donc il puisse lire dans la Bible. Attends, la Bible. Il n'y avait pas de Bible. C'est là au commencement. Comment Abel a-t-il su ce qu'il devait faire pour offrir le sacrifice qu'il convenait d'offrir à Dieu? Il a reçu par la foi la révélation du sang. Ayambaki nanzela na kondima emoniseli ya makila. Il a reçu. Ayambaki asile kozwa. La révélation emoniseli du sang. Oyo ya makila. Comme c'est Dieu seul qui donne la révélation. Donc les nzambe yemo ka pesa ka emoniseli. Donc c'est Dieu qui lui a révélé. Les nzambe nda asile ko pesa emoniseli wana. Ce qu'il convenait d'offrir. Oyo ebongaki pona ye a pesa. Caïn n'a pas eu une telle révélation. Caïn a azwa ki emoniseli lolenge wana te. Alors, Abongo, il ne pouvait pas offrir le sacrifice qu'il fallait. Akukai ko pesa mbeka we bongite. Donc même pour l'adoration. Ata pona ko gumba mela. Parce que Caïn et Abel étaient deux adorateurs. Caïn na Abel bazalaki bagumba mela. Ils devaient adorer Dieu. Bango baso mbali simela bagumba mela zambi. Mais sans révélation. Parce que zanga emoniseli. Votre adoration est vaine. Emon ko gumba mela no ezali ya pamba. Sans révélation, votre adoration est vaine. Ogumba milano ezali ya pamba. Comme Caïn. Lokola Caïn. Quand la Bible dit. Tango bibi lobi. C'est le Seigneur Jésus qui a dit. Ezali kola lobi bongo. Le Père recherche de vrais adorateurs. Tata ezali koluka bagumba milio solo penza. Ils adoreront. Oh bakogumba mila eh. Na molimo. Pekati na solo. C'est cela les adorateurs que le Père. Ezali ba oh wana ne bagumba milio tata ezali koluka. Et vous et moi, nous sommes appelés à être parmi ces adorateurs. Parce que sinon, à quoi nous aurait servi de croire ce message? À quoi nous aurait servi de croire le message? Il ne faut pas compter parmi les vrais adorateurs. Qui adore Dieu avec le prix en vérité. Qui ont la révélation. Qui ont reçu de Dieu la révélation. C'est une révélation provenant de Dieu qui a fait la différence et a donné à Abel la vie éternelle. Sans révélation, c'est grave. Je continue. Vous aurez beau accepter ce que dit le pasteur ou ce qui concerne le séminaire, mais malgré l'éloquence avec laquelle cela peut vous être enseigné, écoutez, tant que Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus est le Christ, tant que Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus est le Christ, que c'est le sang qui vous purifie, et que Dieu est votre sauveur, il faut une révélation. Donc, il faut que Dieu vous révèle que Jésus est le Christ. Il faut que Dieu vous révèle que c'est le sang qui vous purifie. Révélation. Il faut que Dieu vous révèle qu'il est votre sauveur. Si tel n'est pas le cas, vous n'aurez jamais la vie éternelle. Beaucoup. Donc vous n'aurez jamais la vie éternelle. Jamais. Oui, donc c'est que sans révélation, vous serez un bon membre d'église. Un bon membre de votre assemblée. Apprécié par les hommes peut-être. Mais qu'en est-il de Dieu? Parce que nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. Nous voulons plaire à Dieu. Que Dieu se réjouisse de notre adoration. Okay. Que nous accomplissions sa volonté selon ce qu'il veut vraiment. Par révélation. C'est la révélation spirituelle qui l'opère. Et allez, et moi les amolim, on est dans le consalema. C'est la révélation spirituelle qui opère ça, qui fait cela. Et allez, et moi les amolim, on est dans le consalema. On casse une bande. Casse une bande d'imi. Pour faire de vous un adorateur. On a compris ça, yo. Mugumba meli wa solo. Vous pouvez répéter ce que le pasteur a dit. Vous pouvez répéter ce que vous avez lu dans la Bible. Dans la brochure. Tout ce que vous avez entendu sur la bande. C'est vrai. Malamu. Mais tant que cela ne vous est pas révélé personnellement. C'est grave. Parce qu'il ne s'agit pas de révélation collective. Donc dans notre église, avec les gentils, il traite avec nous individuellement. Ce n'est pas avec une nation, et d'aller ou avec une famille, moko, moko, ou avec une congrégation, une église, et traite moko, avec chacun de nous individuellement, par révélation. Voilà pourquoi, sans révélation, vous pouvez être un bon membre de votre église, mais jusque-là, vous n'êtes nulle part. Alors, voilà chacun de nous doit vraiment rentrer en lui-même. Ça, c'est le complément seulement de ma salutation. Alors, dimanche, Dieu voulant, alors maintenant, je vais entrer maintenant dans le sujet. Mais écoutez un peu ce que le prophète dit. Je lis rapidement ici dans le livre d'Exode. Mokanda na Exode. Deuxième partie. Ité Nami Balé. Prêché le 6 octobre 1955. Le livre d'Exode. Mokanda na Exode. Deuxième partie. Ité Nami Balé. Écoutez un peu ce que dit Fabana Bissé. Le 6 octobre 1955, le livre d'Exode, au paragraphe 16. Écoutez un peu ce que dit Fabana Bissé. À propos des Caïn encore et Abel ici. Ah oui, Talikaïna na Abel. Savez-vous que toute l'église du Dieu vivant est bâtie sur la révélation du Seigneur Jésus? Dans le jardin d'Éden. Après que Caïn, Abel et les autres furent chassés. Avez-vous remarqué comment Caïn, qui est allé adorer le Seigneur, et qui a offert un sacrifice, et qui a fait tout ce qu'il pouvait, Caïn était très religieux. Très religieux. Il est allé sincèrement offrir à Dieu le sacrifice qu'il a préparé. Il était sûr que Dieu va l'agréer. Il ne faisait pas les aventures. Il était sincère. Dans ce qu'il a fait. Il a cherché de beaux fruits. De belles tomates. Il était bien là. Non, sincère. Donc lui, il se disait à lui. Quand j'ai choisi les beaux fruits. Non, Dieu va accepter mon sacrifice. Dieu va agréer. Il ne faisait pas du théâtre. Il ne faisait pas d'aventure. Il était sincère dans ce qu'il faisait. Ouais, mais seulement le problème c'est qu'il n'avait pas la révélation. Dieu ne lui a pas donné la révélation. Pour qu'avec la révélation qu'il comprenne ce qu'il fallait. Alors, il était sincère. Il a choisi de bons fruits. Il était sûr que Dieu va agréer. Il était très religieux. Mais Abel n'est pas allé avec des œuvres, mais par la foi. Parce que la foi aussi est une révélation. Ah oui, Sans la foi, il n'y a pas de révélation. Sans révélation, il n'y a pas de foi. Ouais. Il faut que Dieu vous révèle sa parole. Et c'est ce qui produit en vous là. Vous croyez que ce que Dieu a dit est vrai. Vous allez conduire aux âmes, qu'il descende. Moi, je me repose sur ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Aux âmes, allons-y. Et c'est ce qui s'amma. La foi est une ferme. Kondima, et allez. Et singa ouais, ma casse. Mais cette fois-là vient en écoutant la parole. On dit maman est allé koya koyo kaka. La foi vient de ce qu'on entend. On dit mais allez koyo tana ou allez koyo ka. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On dit allez koyo ka ou tana liobana Christo. Voilà pourquoi il est dit ici. Liobana mi boye. La parole pure. Liobana ouya peto. Produit la foi pure. Allez koyo ta koni maman peto. Et c'est ce qui amène les œuvres puissantes de Dieu à s'accomplir. Allez koyo mema misala anguya makati nzambi kokitama. C'est ça le problème pour nous maintenant aujourd'hui dans le message. Yango likambo pour dire ça. On a mélangé la parole avec beaucoup d'histoires. Tosangi filo bana makambo mingi. Et ça ce sont les prédicateurs. Wana ezali batei. Alors que Dieu nous aide. Namba tonga biso. Ce sont les prédicateurs. Ils allaient batei. C'est là que Dieu a appelé. Oui, wana nzamba siko bema. Ceux qui ont réellement un appel divin dans leur vie. Bah on va aller penza na mbela wa solo kata bomo ina bango. Ils puissent vraiment tenir la parole. Basimba penza liloba. Toutes les fois que l'occasion leur est donnée de parler au peuple du Dieu. Balanya sole bakoko pesa mapona koloba libota na nzambe. Ils apportent la parole dans sa pureté. Ba mema vele liloba kati na peto na yango. Parce que la parole pure. Kote liloba wa peto. Celle qui produit la foi. Vous allez combattre contre ma voix péto. C'est ce qui amène les œuvres puissantes. Vous allez combattre ma misala yanguya makasi nzambe. À se manifester. Yakutali samato komoni sama. C'est la règle. Yanguana ndeli kambo. Les œuvres puissantes de Dieu. Misala yanguya makasi nzambe. Accompagne toujours la parole et la foi. C'est pourquoi la Bible que moi je lis c'est la même Bible que chacun de vous. Si je prends l'exposé de cette page, nous chacun de vous en tant que croyant, alléluia. Si je prends une brochure, je donne la référence pourquoi c'est que je vais aller vérifier. Il a vérifié. Mais c'est ce que le pasteur vous dit là. Est-ce que c'est ce que le pasteur vous dit réellement? Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un vous dit, non, je vous lis dans tel sermon de programme. Voilà, le programme m'a dit ceci. Mais ce qu'il vous donne là, c'est sa compréhension à lui. Au lieu de rapporter la pensée que le prophète a développée, mais s'arrêter là, donner seulement ce que le messager a donné là. Donc, il vous apporte sa compréhension. Et c'est ça encore un problème. Voilà pourquoi nous sommes encore dans l'état dans lequel nous sommes là. Alors que nous tendons vers le but. Nous sommes au sommet. Nous allons penser à Souka. Bientôt ce sera le départ. Quand sera-t-il? C'est bon, que Dieu doit entrer en transe. Cette chose doit se produire. Et là, comment est-ce que ça va? Ça peut pas rester comme ça. Non, ça peut pas rester comme ça. Oui, pour celui qui voit vraiment la promesse de Dieu, il faut tous, et les prédicateurs, parce que d'abord le prédicateur est croyant d'abord. Est-ce que quelqu'un sera sauvé en tant que prédicateur? En tant que pasteur, tous nous sommes sauvés en tant que croyants de la parole, en tant que fils et filles de Dieu. Le ministère, l'automo, office local, les dons de l'esprit, comme dans les assemblées maintenant, où les gens qui ont le don de l'esprit, on leur donne une place. Mais cette appellation des vases encore, ça vient d'où? Ça vient d'où ça? Nous sommes les vases. Dans la maison de Dieu, dans chaque maison, dans la maison du roi, il y a des vases d'usage, ville, il y a des vases d'honneur. Les manifestations de l'esprit, si quelqu'un, Même si ils ont eu une réunion avant le culte, mais après la réunion, ils viennent chacun. Je crois que le message est clair. Mais les gens ont terminé les histoires à leur Mais que Dieu nous assiste. Nous suivions chaque chose telle que Donc ça c'est Abel. Donc Abel lui il avait reçu la révélation. Par la foi. Alors il a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et ça c'est ce que l'apôtre Paul a dit dans au verset 4. C'est par la foi. Je lis ça rapidement. Hébreux 11 verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi. Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Na kotombo la nzambe mbeka malamu na nzela na yango azwaki. Bon. Il a dit un grand condiment, mais Abel a testé. C'est ça qui est pas dans Zambé, mbeka o eleka ki malamu nana o ya kaina. Nanzela na ya mbeka yango wana se par elle, il est déclaré juste. Ya tangama ki mwenge. Tangama ki mwenge bene, nanzela na mbeka o ya pesa ki, nanzela na emoni se. C'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Nous prêchons la parole et nous parlons encore de ça. Ça fait combien de temps? Lui, Abel, il a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Dieu confirma qu'il était juste. Il avait vu le programme de Dieu qui lui avait été révélé. Donc le programme de Dieu lui a été révélé. Alors il a vu le programme de Dieu par révélation. Le programme de Dieu lui avait été révélé. Il n'avait pas en ce temps-là il n'avait pas de Bible. La Bible n'était pas écrite. Alors, comme la Bible n'était pas écrite. Mais qu'est-ce qui a fait que Abel puisse comprendre que non, il ne fallait pas donner des fruits comme son frère, mais il devait donner du sang. Qu'est-ce qui lui a fait comprendre cela? Si donc Caïn son frère, qui suivait le même enseignement dispensé par le père et la mère, a apporté le fruit comme offrande. Abel et Caïn suivaient tous deux l'enseignement que leur père et leur mère le papa et la maman leur dispensaient le même enseignement tous deux. J'illustre. Le pasteur David est en chair, en train de prêcher. Vous tous qui êtes assis là, frères et sœurs, vous suivez le même enseignement. Mais que chacun se Abel et Caïn suivaient le même enseignement. Ils ont reçu le même enseignement. Et maintenant, pour offrir, pour donner l'offrande, on voit une différence. Caïn, lui, va prendre le fruit. Caïn, il va prendre le fruit. Pour offrir à Dieu. Et de son côté, Abel, lui, il un premier-né de ses brebis. Il a amené sur un rocher. Il n'y avait pas de couteau. Il a pris une pierre ensemble. Dans l'histoire, on nous a parlé de l'âge de la pierre taillée. Il a tenu le cou de la bête. Avec une pierre. Naya, il n'y avait pas de couteau parce que l'âge de métaux. Wane Zalaki, l'âge de métaux est venu après. Il est couru avec une pierre. Wane Zalaki, vous pouvez l'éna, l'ibanga. Vous avez comme ça, on pouvait dire. Vous savez, va colo baïté. Ça, c'est quel genre d'offrande. Wane Zalim Bekalulenge Nignoyo. Parce que les gens étaient pour la gorge de la Zali Kukata, Kingoya Nyama. Jusqu'à ce que la gorge soit transsexe. Qui nous écarte à ma pinda. Et les sens se mis à gicler. Et ma kile banico pimba pimba. À regarder ça humainement comme ça. On a boué na bomoto. Mais ça c'est quel genre de fente? Olobao ezali, alors que c'était l'offrande qu'il fallait. Wana ezali mbika oye bonga ki pinda. Il a compris ça par révélation. A sosola ki yango na nzela na emoni teli. Et la Bible dit même dit que Dieu a agréé son offrande. Zambe, andima jika yamba ki mbika na ye. Dieu porta un regard. Favorable sur Zambi andimaki yango atalaki yango na leto ya malamu. Il n'a pas porté un regard favorable sur Amonaki malamu tena oya kaina. Il a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Amonaki malamu na mbika oya Abel. Il n'a pas porté un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Pe oya kaina aliambaki yango te. Mais pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Proba pona nini zama siko sala. Parce que c'est lui qui a donné la révélation. Ko ti zaliye asiko pesa yamo ni fina Abel. Pour qu'Abel lui donne l'offrande que lui Dieu Kweti abele apesa e mbeka o yenza mabane kosenga. Oh que Dieu nous aide. Zambia sunga bifo. Même dans nos prières. Ataka na mabonde la bifo. Je ne vais pas prier en priant. Iza ike kubonde la kubonde la ka. Prier en priant. Kubonde la ka kubonde la ka. La parole vient d'être prêchée. Il veut vous côté ama. Le conseil du prophète c'est que priez pour la parole que vous avez entendue. Tu lis à mon sabole zalete bonde la pona ilo haut ko yoka. C'est ce que Dieu vous a dit. Bonde la natina o yenza mabane ko vera bino. Je vous prierai à la maison. Makambo mosusu boko bonde la nandako. Toute la nuit vous prierez à la maison. Ata butu moko bonde. Mais ici, kasi awa, il faut aller droit au but. Et c'est que n'embala moko na likambo ebongi. Pas une prière qui prenait pas ma distance. Vous allez te libonya. Il y a 15 minutes quand vous conduisez l'église. Tant vous allez ko tambo sa église. Votre propre prière à vous, oui. Libonde le ya bino moko. Quand on vous demande de conduire l'église en prière. Ceux qui va saigner ko tambo sa église libonde. Jésus, kolo Yesu, kolo Yesu, kolo Yesu. Pour le conseil de Frère Banana. Vous allez ko landa batoli ya musakoli. Quand nous sommes ici. Vous avez l'attention de tout le monde. Vous avez la bouquet bien battu. Quand on vous demande de prier, allez voir au but. Kende malamoko na likambo bongi. Zala lombango na libonde lina yo. Pono sunga gouverneur, chef de l'État, makambuni chef de l'État. Qu'est-ce qu'il a à voir ici? Quand vous priez chez vous à la maison, tango kobondi le panana ndako wane sana molongo. Mais pas ici quand nous sommes. Awa te tango tozali awa. Quand il faut prier pour les offrandes. Tango sele kobondi la pona makabo. Faisons attention parce que maintenant on a des formules de prière. Tozali na lolenge ya mabondeli. Des formules. Ozambe sunga mara lo boye oyo wana kuzala boye. Papa. Sengali mori na zambe ikora ba na mabonza makabo e pe fami le suki nango wana. On nous a donné les pamboli pour nous abonder. Ça ne va pas mourir de m'abonder. C'est comme une idée. Ce que moi, à quel moussala, battez-la et ça sera bon. C'est ok, Donc je parle comme ça. C'est pour attirer aussi votre attention. Si vous parlez en tant que votre frère, croyant message comme vous. Mondimi a sango lokola bino. Croyant ce message. L'ordre de l'église qui a fait Banama. Molongona. Et puis, j'ai envie de commencer à côté, hein. Les allez pas, on a mon gomme, il y a Branham, il a intitulé l'ordre de l'église du Dieu vivant. Donc tous qui croyons le message, nous sommes tenus aussi de suivre ce qu'il nous a dit. Il faut aussi la révélation. Il faut que Dieu nous révèle ça. Parce que vous pouvez lire ça, mais tant que cela ne vous est pas révélé, vous continuerez, vous lisez, mais ça vous passe. Mais notre qui lit, oh, c'est vrai, Seigneur. Il s'aligne. Tu commences à regarder ton frère. Mais comment lui il agit comme ça? Toi, tu continues. Il a pris un peu la tangente. Il a pris la tangente à cause de la révélation. C'est la révélation. Ah, c'est la révélation. Et quand toi tu auras la révélation, tu verras que c'est pourquoi il avait commencé à faire ça. C'est pourquoi quand ton frère n'a pas encore la révélation, tu as déjà la révélation. Fais attention. Keba. Parce que nos frères qui ont cru à la révélation de cette semaine. Je sais que depuis entre 1980 jusqu'à 1984, tous nous croyons que l'Éternel était séparé. Quand il a commencé à collaborer avec le frère La Marche de France, Harigini ici, c'était en 1984. Harigini ici, à l'époque. À l'époque, c'était l'Assemblée chrétienne de l'Église. Et c'était en 1984. Ils ont cru maintenant. On nous laisse donner son réveil. Mais qu'est-ce que ça dit? Il a On ne sait pas, mais c'est révélé, c'est révélé. On ne sait pas, mais c'est révélé, c'est révélé. Maintenant, et qui ont cru maintenant que les données sont révélées? Quand ils regardent les frères qui continuent à croire que les données ne sont pas révélées, ils commençaient à les qualifier de corbeaux. De corbeaux, de vautours, des incrédules, des voisins. Si vous, vous avez la révélation, qu'est-ce que c'est par vos efforts? C'est Dieu qui vous... Alors, mais si vous, on vous a donné, mais votre frère n'a pas encore, priez que le même Dieu qui vous a donné la révélation, lui donne aussi la révélation. Mais ne les qualifiez pas d'incrédule. Mais si tu n'as pas la révélation, c'est là le problème. Et cela a rendu les autres, en tout cas, ils se sont cabrés dans leur poste. Et ils se sont cabrés dans leur poste. C'est ça le premier schisme qui a eu. Yangoana, Bokabwanya Liboso et Salamakikuna. Ceux-ci ont commencé à qualifier les autres tonneristes. Bah ouais, le Kobenga Basusu, Batwazel Kondima Bakake Monisami. Ah, le non-tonneriste. Bah ouais, Wazel Kondima Bakake Monisami. Et quand on parle de non-tonneriste, on inclut le nom d'un grand homme de Dieu, notre frère Franck. Les franquistes. Les franquistes. Dans le milieu du message. Toutes ces choses-là, c'est la foutaise. C'est la distraction inutile. Prenons notre temps pour méditer le message. Et parler seulement selon le message. Si vous avez la parole avec vous, qu'on vous qualifie de ceci. Moi, je pense à l'écriture qui dit, heureux serez-vous. Et fait un gros cosala. Lorsqu'on dira de vous, forcément, toutes sortes de mal, ma bénioso, à cause de moi. Natina, ah, nangai. C'est ce que le Seigneur a dit. Yango, ankola, fini, koloba. Heureux serez-vous. Bino, bokozala, batuna, sengo. C'est pourquoi moi, votre frère, Rai, de konabino, je ne parle pas de mon témoignage. Nangai, koloba, na, lita, toli, nangai, pasteur, vous, Mon problème c'est que nous parlons, je parle du message. Et je parle du message. Je suis sûr que ce que je dis, j'ai le temps de prouver ça dans la Bible et dans dans les brochures. Je suis sûr, je me tiens sur la route déjà. Parce que je n'ai pas à chercher à me justifier devant les hommes. Mais c'est Dieu qui nous justifie nous. Donc chacun doit savoir en qui il a cru. Et savoir ce qu'il est en train de faire. Alors je termine. Vous voyez, Abel et Caïn qui avaient, qui recevaient le même enseignement. Ah, ben les yamba, quand ils ont donné maintenant les offrandes, il y a différence. Wana bo ils suivaient le même enseignement dispensé par le Père et la Mère. Mais Caïn lui a apporté comme offrande des fruits. Mais Abel par révélation Abel en de la monitele, a vu. Amonaki, ce n'était pas les fruits qui nous avaient fait partir du jardin de l'Éden. Comme certaines personnes continuent à le penser. Ce n'était pas les fruits. C'était le sang de son père. Qui l'a fait, qui a fait de lui un mortel. C'est le sang de son père qui a fait de lui un mortel. Ainsi, il alla offrir le sang d'un agneau par révélation divine. Il n'y avait personne pour lui dire quoi que ce soit. Personne ne pouvait lui enseigner. Mais lui, par la foi, a vu venir le Fils de Dieu. Il a offert un agneau comme un type symbolique. Étant donné que Jésus était l'agneau immolé avant la fondation du monde, et Dieu a rendu témoignage que c'est la vérité. Dieu a témoigné que ce que Abel a fait, c'est la vérité. Dieu rendra toujours témoignage à la vérité. Zambe akotato la tango nyoso na wekali solo. Tenez seulement la vérité. Aussi ma bovele solo. Marchez avec la vérité. Otamo la bovele na solo. Dieu témoignera de ça. Zambe akotato la natina na yango. La vérité est ceci. Pouete solo et zalaka mutu makasi. Elle demeure éternellement. Et si kalaka seko na seko. Que vous le, bah que vous la rejetiez. Boba ki sayango. Vous fassiez des commentaires contre. Bosala mano bali koloko tele bela solo. C'est la vérité de Dieu. Soki zali solo na Nzambe. Tout ce que vous ferez là, c'est une peine perdue. Nyoso bokosala zali bobele pamba. Parce que Dieu confirmera la vie. Nzambe akotato la toko ndimisa bobele solo na ye. Dieu rendra toujours témoignage à la vérité. Nzambe akotato la tango nyoso na tina na solo. C'est la raison pour laquelle je suis très heureux. Nangwana zali singo mingi. Lorsque nous pouvons présenter aux nations du monde un Jésus-Christ ressuscité, que Dieu nous aide. Vous et moi, Bino Nangai, disciples du Seigneur Jésus, dans cet âge là où il est, voyant de ce message, que nous puissions présenter à ce monde qui se meurt, Jésus-Christ ressuscité, qui est réellement vivant. Donc, non seulement que nous parlons de Jésus, mais que nous puissions leur présenter un Jésus qui vit. Donc l'œuvre qu'il a fait, on puisse le voir encore à travers ses disciples, pour que Dieu nous aide, que nous puissions présenter au monde un Jésus-Christ vivant. Ce n'est pas une histoire fictive. Ce n'est pas une fiction. C'est une déclaration absolument vraie. Jéhovah Dieu lui-même a témoigné qu'il a ressuscité Jésus des morts. Et cela peut être prouvé même aujourd'hui par les véritables croyants qui ont la révélation. Prouvez au monde que Jésus est vivant. Pas seulement parler de Jésus, mais montrer qu'il est vivant. Il sera le bon côté de l'évangile. Mais, nous parlons de Dieu qui est vivant. Nous parlons de Dieu qui est vivant. Il faut que le monde voie ça. À travers. Quand il a envoyé ses disciples, il leur dit, allez, Bokenda, prêchez la bonne nouvelle. Que le règne de Dieu est proche. Bokoni nzambe belemi. Dites, Bolo baete. Le règne de Dieu est proche. Bokoni nzambe belemi. Écoutez ce qu'il dit. Résistez les malades. Résistez les morts. Purifiez les lépreux. Donc, il dit, hein, il leur dit ça comme ça. Alors, il dit, guérissez les malades. Résistez les morts. Ce n'est pas, il serait bon que... Résistez les malades. Ça, c'est la commission que le Seigneur a donnée à ses disciples. Il faut qu'à travers vous et moi, que le monde voie une manifestation authentique de la puissance de Dieu. À la manière des pentecôtistes. Mais à la manière de ceux qui sont du groupe de l'époux. Dans la simplicité. Sans tambour ni trompette. Confirmant sa parole. Manifestant sa puissance. De manière authentique. Comme c'était dans l'église apostolique. Primitive. Ce message est un message de restauration. Il faut que l'église se retrouve telle qu'elle était là. Donc quand nous venons comme ça, quand vous allez pour Yaboye, à un endroit comme celui-ci, un endroit qui est presque négligeable comme ça, oui, mes frères, on en parlait de la vieille mission baptiste au coin de la rue. Même si on peut se réunir sous un arbre, ce qui nous importe, c'est la présence de Dieu. Présent parmi nous. Parce qu'on peut avoir un temple qui a coûté des millions et des millions. Vous y entrez, c'est... Vous allez cocotte, vous verrez, nous allons faire un petit coup. Pamba. Mais un petit groupe là. Parce que Tonga Moké. Vous y entrez, vous cocotte. Non, l'Esprit de Dieu se met. Moli Monanzambe, vous allez coningana na katikuna. Et la parole est proclamée. Il devait se coter à ma. Et quand Frère Branham priait, il dit, non, qu'il n'y ait aucune personne faible parmi nous. Qu'il n'y ait aucune personne faible parmi nous. Si vous avez la foi là où vous êtes, vous n'aurez pas besoin de venir à l'estrade. Pour comprendre votre propos. Si vous avez la foi, là où vous êtes là, mais vous avez votre guérison avec vous. Qu'il te soit fait, et ça l'est là, et ça l'est là, pour l'an de la condima, c'est ce que j'ai dit, qu'il te soit fait, et ça l'est là, pour l'an de la condima, alors c'est ça que, non, qu'il te soit fait selon ta foi, et ça l'est là, pour l'an de la condima, et ça l'est là, pour l'an de la condima, et ça l'est là, pour l'an de la condima, et ça l'est là, pour l'an de la condima, et ça l'est là, Il m'a été fait. Et ça la met la kingai penza kotale la kondima oyo ma. Non oui. Et adouverez alors que le Dieu que vous adorez est un Zambé Dieu vivant. Il n'est pas un Dieu historique. Mais un Dieu qui est vivant. Ce soir. Alors je termine la pensée ici. Donc ce sera le bon côté de la chose de l'évangile. Et Caïn, lorsqu'il a vu son frère, il a effectivement tué son frère. Par jalousie. Quand votre frère est béni, réjouissez-vous, non? Vous c'est fait là. Si nous comprenons ça, nous verrons ce que Dieu fera. Pour ce soir, je crois que l'entretien est encore bon. C'est la suite de ma salutation. Dieu pour là maintenant. Je vais entrer sur mon sujet. Et je sais que le Seigneur va me faire. La semaine prochaine aussi, mercredi. Et donc, par la grâce de Dieu, quand j'aurai terminé, je crois que ça pourra rester. Je le dis. Je le dis en toute honnêteté, en toute sincérité, véridiquement, je crois que Dieu confirme sa parole. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Je vous bénisse pour ce soir. Je vous bénisse pour ce soir. Je vous bénisse pour ce soir. Je vous bénisse pour ce soir. Je vous bénisse pour ce soir. L'importance de la révélation. Tina yaemoniteli. Et l'impact de la salutation biblique. Tina bolamu oya moti oya biblia. Et Dieu bénisse Pasteur Gauthier. Zambia pambola mobateli Gauthier. Pour ce sacrifice. On a ambika oyo komi senti dans l'amour divin. Asalikati na bolingo na Zambe. Pour notre édification. On a kotonga malabiso. Vous avez reçu? Oyambi. Et aussi apprécié. Et vous sepeli. Vous êtes exhorté. Otili kolendi sama. Et aussi instruit. Et vous, la qui s'amé? Je crois que quand vous avez la révélation de quelque chose, vous comprenez le pourquoi des petites questions que je viens de poser là. Êtes-vous exhorté? Et aussi instruit? Et vous, la qui s'amé? Ça aussi, il faut la révélation. Moi, je ne peux pas vous donner cette révélation. Je signale seulement, je pose les questions. Si vous avez la révélation, vous connaîtrez la pensée cachée derrière. Ça va de la marche avec le Seigneur. Il faut la révélation. Un jour, quand vous lisez dans Jean chapitre 6, les gens avaient vu des miracles. Ils ont vu des grandes choses que Jésus avait faites. Des œuvres inouïes. Il y a un moment, il y a eu un groupe de disciples, la majorité d'ailleurs, qui s'est senti forcé de quitter Jésus. Malgré les miracles qu'ils avaient vu, ils ont entendu Jésus dire, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, si quelqu'un ne fait pas ça, il ne peut pas avoir la vie en lui. C'est quoi ça? Oui, ils allaient nini. Ils veulent nous amener à boire son sang. Allez, comme un peu, comme la matinée, ça c'est trop fort. Oui, ils allaient ma casse, mingue. Vous attendez quoi? Ils se sont consultés. Ils sont partis. Pourquoi ils sont partis? Pourquoi ils sont partis? Ils n'avaient pas la révélation. Mais qui était celui-là? Nani, ils n'avaient pas la révélation. Ils ont marché avec lui pendant des années. Mais ils ne savaient pas qui était-il. Par révélation. Ils savaient que c'était le fils de Marie. Le fils de Joseph. Le fils de Joseph. Un jeune et courageux. Or la révélation n'est pas intellectuelle. La révélation est spirituelle. Je répète, la révélation n'est pas intellectuelle. Elle est spirituelle. Avant qu'Abraham fût, c'est comme ça que parle la révélation. Intellectuellement, on ne peut pas dire ça. Mais spirituellement, on le dit. Avant qu'Abraham fût, je suis. Moi et le Père, nous sommes un. Intellectuellement, on ne peut pas dire ça. Mais spirituellement, c'est valable. Je vais donner des exemples comme ça. Ils ont voulu partir. Et Jésus a regardé. Qui s'est vidé en peu de temps. À qui irions-nous? Bisoto ko kende pa ina nani? À qui d'autre? Pa ina nani mosusu? La révélation ce n'est qu'ici. Et moi, les élèves vont venir awa. Nous savons qui tu es. Tu es binani yo zali. Nous avons cru. Bisoto sur le condima. Dans le langage. Botala vola nelobeli. Connu. Fait sur le coyer va être. Que tu es le Christ. Vous allez Christo. Ils ont cru ça. À sur le condima yango. C'est la foi. Ils allez ko. Et ils ont connu cela. Sur le coyer va yango. Par révélation. Nzela na emoni feli. C'est pas la connaissance intellectuelle. Vous allez la moto. Il viendrait de la lecture. Parce que tout le monde avait lu les rouleaux. Moto mais il n'avait pas la lecture. Mais le vrai Pierre. Il a dit ça. Il l'a connu par révélation. A et cette révélation s'est alliée à sa foi. Et il l'a confessé. Alors Jésus profite. Placer une mise au point. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi vous tous. Et l'un de vous est un démon. Bien que le grand groupe est pari. Vous êtes à 12. Vous êtes à 12. Je parle au nom du groupe. Hein. Sachez que la révélation n'est pas collective. Nous avons créé, nous avons créé. Quand vous n'en avez pas, vous allez dévier. Tant vous allez en retirer vos coquins vous faire rétrograder. Vous pouvez vous embrouiller. Vous pouvez faire n'importe quoi. Vous allez quand Dieu dans sa grâce vous la donne, qui soutiendra votre foi. Soutient votre marche. Et vous irez de gloire. Et des révélations en révélation. Judas là dont il parlait. Il n'avait pas la révélation. Il a trahi le Seigneur. Et c'est la même chose. Si vous n'avez pas la révélation, vous trahirez son message. Dans votre milieu de vie. Au travail. En famille, quand vous serez seul, vous allez trahir le Seigneur. Parce que vous n'avez pas la révélation qu'il vous voit partout. Vous n'avez pas la révélation de la crainte de Dieu. Vous allez le commencement de la sagesse. Vous allez la haine du mal. Vous allez en tout, il faut la révélation. On peut dire et dire beaucoup de choses. Mes chers amis, que Dieu vous révèle ses voies. Ne comptez pas sur votre cerveau, car c'est un grand obstacle. C'est même écrit, je te loue, Père, de ce que tu as caché tes choses aux sages et aux intelligents. Voyez même que quand tu t'appuies sur ta sagesse, c'est la grande barrière qui t'empêchera même de connaître les choses de Dieu. Ton cerveau ne peut pas te faire connaître. Ton intelligence intellectuelle ne peut pas. Ça, c'est l'obstacle. Mais tu les as révélés aux enfants, nabana, à ceux qui s'effacent, qui reconnaissent qu'ils ne connaissent rien, qui veulent apprendre du Seigneur lui-même. Voilà ce à qui Dieu fera grâce. Il fait grâce aux hommes. Êtes-vous l'un d'eux? Avez-vous appris quelque chose? J'ai répété là. Je me rends debout pour la prière. À la grâce de Dieu. J'ai trouvé en Jésus la main qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entrée des mille pour mon âme. Il est le lit, c'est la valise. Et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Mon réconfort dans la peine, après dans le tourment. Il m'invite à lui confier chaque chose. Alléluia, la brillante étoile des matins, le lit de la vallée. C'est le plus beau d'entrée des mille pour mon âme. Mon réconfort dans les peines, après dans le tourment, il m'invite à lui confier chaque chose. Alléluia, brillante étoile des matins, c'est la vallée, c'est le prix beau d'entrée, 10 000 pour mon âme. Il a pris et porté sur lui, sommes tous ses appels, ma tour forte et puissante, dans les tentations. Pour lui, j'ai tout abandonné. Et oh, et maintenant, le lit est la vallée, c'est le plus beau dans ces 10 000 pauvres. Oh, même si le monde m'abandonne, ou que Satan m'étend, par Jésus j'atteins. Sûrement le but, alléluia, la brillante étoile des matins, le lit c'est la vallée, c'est le plus beau dans ces 10 000 pour mon âme. Il ne me quittera jamais, ne me laissera ici, tant que j'ai la foi et fais sa volonté. Un mur de feu autour de moi. Maintenant je ne crains rien parce qu'il m'a révélé quelque chose. C'est nourri de sa main. Et nous, et nos rêves dans la gloire, verrons sa face bénie là à jamais. Coule le fleuve des délices. Alléluia, la brillante étoile des matins, le lit de la vallée, si beau donc et 10 000 pour mon âme. Et nos rêves dans l'emploi, verrons sa face bénie, car au jamais coule le fleuve des délices. Alléluia, la brillante étoile des matins, le lit et la vallée, c'est le plus beau dans ces 10 000 pour mon âme. Il est vraiment le plus beau dans ces 10 000 pour mon âme. Yazali, yakito zomi. Dans sa foi personnelle, Dieu traite avec nous les générations individuellement. Le salut est individuel. Est-ce qu'il est vraiment le plus beau d'entre nous? L'adorable et le vénérable. Oui, l'unique ton trou en tout. Ta portion toute suffisante. L'incomparable, Bakokana Motote, rocher des âges, Ibanga Eleko, le roi de ton cœur. Mon conti à mon thème à yo. Ton Dieu, ton roi. Zambé na fait mon conti à yo. Ton bouclier. Bouba yo. Qui t'assure dans la marche. Vous allez couper ça et tu viens quatre jours. Et tes démarches, c'est toute peur. Vous allez couler là-haut, n'a pas besoin de nous. Les incertitudes des questionnements infernaux. Nous allons nous engager bas. Ma camoufle quoi? Est-il tout cela pour toi? Vous allez nous sauver pour yo. Prions chacun maintenant, en accord avec la parole que nous venons d'entendre, sur la révélation, sans manifester la jalousie, caïnique, le manque de révélation, caïnique, nous prions comme des gens qui avons la révélation, et si tu n'en as pas, réclame auprès du Seigneur, humilie-toi. Vomis tes intelligences personnelles. Vomis tes connaissances personnelles. Que tu as apprises par des efforts personnels. Et reçois ce que Dieu donne spirituellement. Tu verras que c'est plus excellent et de loin meilleur. Prions chacun maintenant. Et par la foi, en la parole parlée. Être en contact avec Dieu chaque jour. Toute ma vie, je veux suivre cette voie. Je veux marcher par la révélation. Marcher par la foi, en la parole parlée. Être en contact avec Dieu chaque jour. Toute ma vie, je veux suivre cette voie. Comme un esclave au service de Jésus. Toute ma vie, je veux suivre cette voie. Comme un esclave attaché à Jésus. Comme un esclave au service de Jésus, toute ma vie je vais suivre cette voie. Comme un esclave attaché à Jésus. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous nous approchons une fois de plus de ton trône, après avoir écouté ta parole, nous parlons avec vérité, nous interpellons et édifiant notre foi, montrant la valeur de la révélation qui nous distingue et nous donne la supériorité sur les systèmes sataniques. Oh Père, c'est toi seul qui révèle gouvernement à qui tu veux, et c'est toi seul qui peut visiter les gens, tu es l'unique sauveur, l'unique grand médecin, le meilleur directeur, roi le parfait, le souverain de l'univers. Merci pour ce privilège. Merci pour la parole de grâce. Merci pour le message du temps de la fin. Merci pour la révélation des secrets de la rétention. Fais-le connaître à chacun de tes élus. En toute simplicité. Dans la modestie. Dans l'humilité. Que chacun de nous considère les autres comme étant au-dessus de lui-même. Et que par ta grâce, nous voyons des jours meilleurs. Pas à pas. Nous voulons avancer de gloire en gloire. Et de révélation en révélation. Accorde à chacun cette grâce. Exauce nos prières et bénis-nous abondamment dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous prions ainsi. Amen. Veuillez vous asseoir.